a de vieux copains, de vieux tacos. On a des chats, des chiens, de vieux bibelots. On fait un peu tous les métiers, on n'est pas tellement fixé. Le clou dans le mur n'est pas planté, où notre vie pourrait s'accrocher. On a des chemises de nuit comme robe du soir. Quand on n'a rien trouvé de mieux dans l'armoire, on n'a pas de machine à laver, mais on a de beaux draps. Et sur chaque accroc du sparadrap, notre vie c'est pas l'hôtel, c'est du caravaning. On ne se gare pas dans les parkings. Ça fait des ordres, tout ce mouvement. Ça fait des ordres, mais c'est marrant. Ça fait des ordres, drôle de tempo. Ça fait des ordres, mais ça tient chaud. On fait un petit hasard, une grande passion. Comme un vieux froc dont on change les boutons. On prend un rendez-vous sérieux, on est en retard d'une heure. Le boulot sera pour un copain, on fauche le beurre, on donne le pain. On se prête des intentions et des nanas. On échange de vieux disques et des tristesses. On sort pour acheter des bas, on revient avec des cerises. On appelle ça des chaussettes surprises. Notre vie c'est pas le banquet, c'est plutôt le pique-nique. Il y a les fleurs et il y a les moustiques.